Feel the magic in the air. Aïe, aïe, aïe, levez les mains en l'air. Bateau bossé. Sur Radio Bossé, on va bien se marrer. Résultat du quiz sportif. Donc, personne n'a trouvé les trois bonnes réponses. Le record de lancer de noyaux de cerise avec la bouche, bien entendu, était de un peu plus de 33 mètres. Tout le monde était assez loin. Sinon, la pétanque est reconnue comme un sport depuis 1945. Et pour les JO, bien sûr, tout le monde a trouvé. C'était la question la plus facile. Alors, à bientôt pour un nouveau quiz. C'est le confinement ? T'as les cheveux longs. Au lieu de te raser les pieds, appelle la coiffeuse Ilo. 3615 Capilo. Nanana. Nous retrouvons notre archéologue qui vient d'arriver d'un voyage au cœur de la Terre. Ce 1er mai, il a une découverte exceptionnelle. Monsieur, dites-nous ce qui a été découvert. Alors déjà, ce qui a été découvert, c'est un crâne. Plutôt grand. Il aurait peut-être pu faire la taille un peu plus grande, la taille d'un bébé qui vient de naître, par exemple. Déjà, on peut dire qu'il est plutôt impressionnant, mais aussi bizarre, car on ne voit pas trop où il est situé les yeux. Oui, et sa couleur est particulière. Alors non, sa couleur, elle est toujours pareille, hein, comme tous les os. Ah d'accord. Comme un peu du granit, hein, mais bon. Et c'est lourd ? C'est un peu lourd, ouais. On a presque... Bon, la balance, elle a pesé, c'est à peu près 1-3 kilos. Et alors, ce serait un crâne de quoi ? L'escargot ? Alors non, l'escargot, il serait trop petit, car ça fait au moins 20, disons, bébé escargot. Ah. Et alors, à quoi appartient ce crâne? Alors déjà, on voit bien que c'est... Un cyclope? Quelque chose de très bizarre, car on voit pas les yeux. Alors est-ce que c'est un cyclope? Non, on ne voit pas, en fait, pour l'instant, où ça peut être. Est-ce qu'il a des trous de nez? Non, mais ça... attends. Le seul truc, c'est qu'il faudrait qu'on trouve les yeux. Déjà, où c'est. Mais ça prouve que c'est soit un crocodile ou soit un dinosaure. Et vous l'avez trouvé où exactement? Alors, c'est un des villageois des Jalières qui avait commandé un très gros tas de pierres venant de Juigné-sur-Loire. Oui, oui, c'est ça. Comment vous êtes renseigné? Oh là là, parce que j'ai des sources, moi, monsieur. Ah, bah merci. Voilà. Et quand ils étaient en train de décharger pour mettre partout, pour essayer de mieux de tasser pour éviter que leur voiture tombe ou s'est cassé un pneu, ils ont... Quelqu'un, en enlevant des D'accord. pierres ou tout ça, il a trouvé cet os. Et vous d'être... Il savait pas encore que c'était un os. Vous pensez qu'il date de quelle année, cet os? Alors ça, par contre, c'est très bizarre. C'est pas bizarre, mais c'est un peu dur. Car par contre, j'ai pas eu le temps d'apporter mon truc pour mesurer si c'est du Crétacé, du Tria, du Permien ou de nos siècles. Mais là, je sais. On ne sait pas trop. On a juste un tout petit bout. Ah oui? Mais sinon... Bon, on vous laisse le temps de bien l'observer, de l'étudier. Et vous nous en direz plus la semaine prochaine. Oui. Merci, mais... monsieur l'archéologue. Et il y a juste un truc. C'est que déjà, on voit que c'est qu'une seule partie. On voit que c'est qu'une seule partie. Un crâne, une seule partie. Car en fait, vous savez, les mâchoires, eh ben, c'est des crochets. Bien sûr. Et bah là, c'est nous, ce qu'on a, c'est le dessus. C'est mieux important que le dessous, mais bon. Il faudrait quand même avoir le dessous pour savoir... Bon, nous allons peut-être recontacter les villageois des Jalières pour savoir s'ils peuvent creuser encore plus et découvrir la deuxième partie. Mais je pense que ça va être dur, car avant, quand il y avait les... quand c'était sur Juigné-sur-Loire, il y avait beaucoup de rivières très fortes. Du coup, si le dinosaure était mort, ou si c'était un dinosaure ou... Mon Dieu, vous nous dites que la deuxième partie peut être partie dans la Loire ? parmi tout ça. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais elle a pu être emmenée partout, même des fois un jour, elle a peut-être pu déboucher dans l'océan. Mais bon, je pense qu'elle peut faire comme un caillou. Elle peut par exemple être transportée tellement par le courant très fort, et quand par exemple la rivière plus calme, il a dû rester. Très bien. C'est juste, c'est justement pour ça que j'ai fait dire aux autres archéologues de chercher dans les fins fonds des rivières pour trouver. Oh, quelle expédition merveilleuse. Bravo à vous, monsieur, et à bientôt. Et aussi, avant de vous quitter, je vous dis juste que c'est quelque chose de très nouveau. Car pour l'instant, je pense que c'est quelque chose de très nouveau parce que nous n'avons, disons, pas beaucoup d'indices. Juste ça, nous avons quelques dents et quelques os, mais rien d'autre pour l'instant. Pour l'instant, je l'ai appelé surgé, qui veut dire surface mélangée. Car disons qu'il y a beaucoup de trucs qui sont mélangés, voilà. Bravo, monsieur. Et à bientôt pour la suite de cette merveilleuse aventure. Je vous dis, nous allons bientôt nous revoir. Bah, nous entendre. Si t'es un bébé, écoute Radio Bossé. Secret d'histoire. 16 février 1899, la mort heureuse de Félix Faure. Émotion à l'Élysée, le président de la République est mort dans les bras de sa maîtresse. Cela s'est passé le 16 février 1899. Ce n'est pas de nos jours que l'on verrait des choses pareilles. Quoique, la victime, Félix Faure, était un bel homme de 58 ans avec une fine moustache tournée à la façon de Guy de Maupassant. Il a été élu à la présidence de la République par une coalition de modérés et de monarchistes le 17 janvier 1895 suite à la démission de Jean-Casimir Perrier. Ses contemporains le surnommaient affectueusement le président Soleil en raison de son amour du faste. La rumeur publique crut d'abord que sa compagne des derniers instants était Cécile Sorel, une actrice célèbre du moment. On sut 10 ans après qu'il s'agissait d'une demi-mondaine du nom de Marguerite Stanail. On sait aussi que tout prouve aujourd'hui, en dépit de l'ignoble réflexion attribuée à Clémenceau, il voulait être César et il est mort Pompée, que Félix Faure n'a pas expiré dans les bras de sa maîtresse, mais qu'il a agonisé plus de 3 heures après son départ. Bref, ce président est resté célèbre, même s'il est vrai qu'il n'a rien accompli de marquant, même s'il possède aujourd'hui une belle avenue parisienne et une station de métro à son nom. À bientôt pour une prochaine page histoire. Si t'aimes manger tes crottes de nez, écoute Radio Bossé. Cuisine. Quichoton. Vous prenez une pâte brisée, une boîte de ratatouille et une boîte de miettes de thon. Vous étalez votre pâte dans un plat allant au four. Vous versez dessus votre mélange de ratatouille et de thon. Vous mettez tout ça au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Et là, vous avez une recette facile, rapide et très bonne. On en a marre des surgelés et des pizzas à emporter. On ne veut plus que l'on nous serve tout le temps des boîtes de conserve. Il est temps de se mettre au boulot, faire rouiller les marmites, réchauffer les fourneaux. Il faut qu'on imagine une toque sur la tête. Dans nos cuisines minées, une recette. Avec les casseroles, on s'amuse à la manière de Paul Bocuse. Mieux que Thierry Marx à la poêle, on mérite au moins 3 étoiles. À la façon de Robuchon, on papillote le poisson. On parfume nos plats à la rose en pensant à Hélène Darroze. La blague du jour. Quand un chat est dans l'eau, minéral. Minéral. Faut pas s'inquiéter. Il est important de rire au moins 5 minutes par jour. Parce que le rire libère des endorphines et les endorphines provoquent un état de bonheur. si t'en as marre de bêcher, écoute Radio Bosser. Il est 12h07. Je vais faire sauter ma petite pomme de terre. Chers amis, bonjour. Alors bonjour, nous retrouvons aujourd'hui Madame Belle-Père de Loche. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Et l'autre et sa compagne Alice Manot. Bonjour monsieur. Alors aujourd'hui, elles vont essayer de gagner les 1000 euros. Ça va être très dur car on a pris beaucoup de questions qui sont pas si simples à faire. Allez Alice, la première question bleue. Quelle est la différence entre une étoile et une planète? C'est dur. Une étoile, c'est en forme d'étoile, non? Alors qu'une planète, c'est rond. Ah, c'est difficile. Les étoiles... Oui, moi! Oui? Une étoile fait sa propre lumière alors qu'une planète n'est pas lumineuse. Oui! Oui. C'est ça! Bravo! Car en fait, les planètes, elles prennent par exemple l'énergie du soleil. Voilà. Deuxième question bleue. Quel est le nom de la voie submersible reliant le continent à l'île de Noirmoutier? Est-ce que ce serait pas la chaussée inondée? Ou alors... Le Gouin. Oui. Le passage du Gouin, mais bien sûr. Le passage du Gouin. Mais bon, il n'est pas toujours accessible. Puisque la mer, elle prend beaucoup de fois là. Beaucoup de furie cette fois. Du coup, on peut plus trop passer. Alors, super. Souhaitez-vous faire le banco? Banco. Alors, on fait vous banco. Êtes prêtes? Oui, on fait le Est-ce banco. Que vous le vous voulez? Vous êtes prêtes, oui? Oui. Oui. Alors, vous êtes prêts? Oui, oui, oui. Quel est l'élément indispensable pour survivre au confinement? La joie! Oui. La joie! On a gagné 1000 euros? Alors, quand même, il en reste une dernière, sauf que malheureusement, personne ne l'a encore envoyée. Bon, on reviendra la semaine prochaine. Bien joué, Alice! Pour après faire le super banco. Qu'est-ce vous qui avez peut t'aider à survivre pendant le confinement? Le coup de pied rotatif entre frères et sœurs! Bien sûr, c'est l'étape juste avant d'être complètement fou. Faut pas s'inquiéter, il y a Radio Bossé. La musique de Célian. Aujourd'hui, nous vous proposons la douche solaire à pression pour seulement... 50 euros. Sinon, nous avons le réchaud de gaz pour la maudite somme de... 30,94 euros. Sinon, nous avons un ensemble de sabots pour tondeuse à seulement... 19,99 euros. Et alors, la promo du jour, la bouteille de Sky au boloche pour seulement... 100 euros. À vos affaires, les amis. Si t'aimes Dorothée, écoute Radio Bossé. Et c'est qui le roi du burger? C'est Tonton Clem. On va vous dire ce qu'on lit en ce moment. Au petit bonheur la chance de Aurélie Valogne. Ali Baba et les 40 voleurs. Et moi, j'ai lu des dinosaures. Le moment poétique. Les hiboux. Ce sont les mères, les hiboux, qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux, mais au hibou, point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous? ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Où? Pas du tout, c'était chez les fous. Robert Desnos. Si t'as un câble à péter, écoute Radio Bossé. Je vous présente un petit poulet que nous avons croisé dans notre jardin. Écoutons-le et voyons ce qu'il a à nous dire. Et juste derrière, nous avons vu Prout Proulette. Écoutez-la. Si vous avez compris ce qu'il nous disait, envoyez-nous un message. Là, on a besoin d'aide. Sur Radio Bossé, on va bien se marrer. Chanté de Soliane. Le loup qui n'aimait pas l'école, mais surtout les vacances. Il était une fois un loup qui n'aimait pas les cochons, mais surtout les vacances. Les vacances, son activité préférée. Mais quand il devait travailler, il ne travaillait pas. Il faisait ce qu'il voulait, mais il ne partait pas en vacances. Pour que personne ne sache qu'il avait trouvé un trésor dans une île. Si il était parti pendant que les autres travaillaient, on avait un doute qu'il avait trouvé un trésor. Le trésor du loup pirate. Enfin les vacances. Tellement bien que le loup disait à sa famille qu'il partait tout seul avec son amoureuse sur une île pour partir en vacances entre amoureux. Mais son amoureuse ne le savait pas. Justement, sa famille le croyait. Alors, il a fermé à clé et il a dit à sa femme que sa famille voulait être tranquille et que sa famille partait avec lui pour pas qu'elle aille rencontrer la famille, pour pas qu'il sache que le loup n'était pas parti, qu'il n'était parti sans sa fiancée. Du coup, il s'en doutait qu'il y avait quelque chose. Mais bon. Pendant ce temps-là, tout va bien. Tout va bien, le plan marche. Il revoit le trésor et il ne le voit plus. Malheur. Quelqu'un l'a pris? Peut-être un voleur. Ou peut-être sa femme. Peut-être qu'il n'a pas menti. Peut-être que sa femme l'a suivi. Il ne sait pas encore quelle piste est là. Il aimerait savoir c'est qui l'a volé pour le récupérer. Le trésor. Il a entendu des pas. Il a peur. Très peur. Mais il est quand même courageux. Il leur entend. Il se méfie quand même. Il a amené tout le matériel pour s'y coucher là-bas. Il se couche près du trésor, mais dans une cachette pour que si c'est un voleur, il remet. Et comme ça, il pourra prendre le lendemain. Demain matin. Bien sûr. Lendemain matin. Il n'est toujours pas là. Mais il n'entendait des pas hier soir. Alors comment on peut savoir si c'était quelqu'un ou un animal ou quelqu'un qui n'a pas de trésor? Dieu, j'ai peur. Il a peur. Il a peur parce qu'il entend les mêmes pas qu'hier soir. Mais moi, je ne suis pas un bébête. Je suis surtout courageux. Peut-être. Mais qui répond ça? Oh oui, je sais, c'est mon imagination qui fait ça. Oh oui, je crois moi aussi. Mais qui est-ce? Mais il a entendu un bruit qu'il ne avait pas vu hier soir. Mais oui, c'est moi bien sûr qui a volé le trésor. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Le trésor dans la main de toute la famille. Comment a pu dire que il savait qu'il était parti? Comment il savait qu'il n'avait pas été avec son amoureuse? Mystère. Mais il a quand même retrouvé son trésor. La fête aux Barbades! La famille est heureuse d'être avec. Vraiment, toute la famille. Et puis, ils sont devenus très heureux. Et à bientôt. Et pour terminer, un hommage à la diva aux pieds nus avec le célèbre Sodade. Caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Inclão. Saudade. Saudade, saudade, disse minha terra, San Inclão. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Inclão. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Inclão. Se vou escrever, monta a escrever. Se vou esquecer, monta a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muita escrever. Se vou esquecer, muita esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Inclão. Saudade.